بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه commentée par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki حفظه الله تعالى. 46e leçon. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستطير. رواه أبو داود وهو ضعيف. selon عائشة رضي الله عنها que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que celui qui va faire ses grands besoins qu'il se cache. Donc, dans le Hukm al-Mustafad ibn al-Hadith, ça revient au hadith qu'on a déjà pris, hadith de Jabir. C'est le même jugement. Il dit que ce hadith, à la base, démontrerait l'obligation d'accomplir ses grands besoins à l'abri du regard des gens. Mais on a déjà pris, justement, que cela, en fait, c'est pas wajib, c'est mustahab, c'est recommandé, de s'éloigner des gens pour faire les besoins. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, demain qui fait ses besoins à côté de toi ou quoi, il n'a pas commis un péché. D'accord ? Il n'a pas commis un péché. Mais le meilleur, c'est qu'il s'éloigne. Par contre, ce qui est wajib, c'est sotr el-awra, de cacher les parties intimes. Ça, ouais. Là, c'est obligatoire. Si quelqu'un est proche de toi, par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ihfaz awratak illa min zawjik aw mimma malakat yaminuk » Donc, il dit, dans un hadith أخرج أبو داود وغيره من حديث معاوية بإسناد حسن. Donc il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: cache tes parties intimes hormis de ta femme ou de ce que ta main possède, c'est-à-dire de tes esclaves. Et là, c'est encore un dalil زوجك, qu'on peut dire zauj même pour la femme. Ojir, zauja, avec un tamarbouta. Dans le Coran, c'est venu zauj. Ya Adam, skun anta wa zaujuka al janna. Habite toi et ta femme au paradis. Là, c'est janna, zauj. Il n'a pas dit zaujatuk. Là, pareil, le hadith, c'est zauj. On peut dire les deux zauja, il y a des hadiths venus de zauja. On peut dire zauj. C'est pareil. Donc là, le hadith, il est faible, mais quoi qu'il en soit, on a dit un hadith qui fasse, on s'en passe, le hadith de Jabir. Que c'est mustahab. Plutôt non, même le hadith de Jabir n'était pas authentique. Le hadith de Jabir. Il était faible aussi. Mais cela fait partie des faits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quel hadith on a pris? Le hadith de Al-Mughira ibn Shu'ba. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est bi idawa thumma talaka hatta tawara anni. Il lui a dit: prends un récipient. Ensuite, il est parti au point qu'il s'est éloigné de lui. Et ce hadith-là, lui, le muttafaqun alayh, l'authentique. Il s'est éloigné. Pas compris ses besoins. Naam. Et ces deux hadiths-là, celui de Jabir et celui de Aïcha, viennent pour confirmer ce sens. Taïb. Après, il dit: Al-hadithu al-khamis wa tis'oun wa anha, ay an Aïcha. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجوا لخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. Donc toujours selon Aïcha رضي الله عنها, que le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il est fini de faire ses besoins, on va dire ses grands besoins, il disait: غفرانك, c'est-à-dire ton pardon. On apporte ton pardon dans le sens ou accorde-nous ton pardon, apporté par les Khamsa. Et le hadith, il a été affaibli également. طيب قال هنا غفرانك ما يغرب غفرانك غفران c'est le masdar de afara yaghfiru. On peut dire maghfira également, mais غفران c'est aussi le masdar, le fait de pardonner. غفرانك ما يغرب غفرانك كما يقول تعالى غفرانك ربنا وإليك المصير سورة البقرة. Ma i'rab ghufranak. Sa'iduka il est mansoub, une fatha, il est mansoub. Ghufranak. Le nun maftouh. On l'a pris dans lorsque on a fait le mumti'a. Ism fa'il? Là. Il n'y a pas de lien avec l'ism fa'il. I'lam, à la base, tu vois un ism mansoub. Un masdar mansoub qui vient tout seul. C'est déjà ce qu'il y a un taqdir, c'est qu'il y a un verbe qui a été enlevé. Il y a un verbe muqaddar, sous-entendu, il est enlevé. Donc là, en fait, c'est un là, c'est un masdar, là, c'est mafoul mutlaq. C'est irfir ghufranak. En fait, c'est yani accorde ton pardon. Ça se dit mot à mot, pardonne ton pardon, mais ça se dit pas en français. C'est irfir ghufranak. Oui, pour être mafoul bi également, non. Mais quand il est tout seul, c'est plutôt un mafoul mutlaq. À la colline. Donc le hadith, là, il est faible. Bien qu'il ait dit que des ulama ont rendu mustahab d'invoquer, lorsqu'on sort justement des toilettes, mais le hadith, il est daif. Donc, ce qui paraît le plus juste, c'est de sortir, ça inquiète. Tu parles pas, t'as rien à dire. Il y a un autre dua qui est venu, qui est Alhamdulillah, l'azi azhaba anni al-adha wa ghafani. Il est encore plus faible. C'est louange à Allah, celui qui a fait partir de moi les nuisances, on va dire, en parlant des excréments, et qui m'a, on va dire, prémuni. Il est encore plus faible que celui-ci. C'est un hadith rapporté par Anas à la base, avec dans sa génération un homme très faible. Un Ismaïl ibn Muslim al-Maliki. Donc ce hadith, pareillement, il y en a là sûrement que Ibn Hajjal l'a mis ici. Lui, apparemment, il voit qu'il est authentique. Du moins, il laisse apparaître qu'il est authentique parce qu'il dit bien Sahahahu Abu Hatim al-Hakim. En tout cas, il était jugé comme faible. Taïeb. Après, il dit في الحديث السادس والتسعين وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى روثه وقال هذا ركس أخرجه البخاري وزاده أحمد والدارقطني اتني بغيرها وهذه زيارة ضعيفة. Donc selon Ibn Mas'ud رضي الله عنه qu'il a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم m'a ordonné de lui apporter, du moins que le prophète صلى الله عليه وسلم est parti pour faire ses besoins et m'a ordonné de lui apporter trois pierres. On n'a trouvé que deux, et non la troisième. Donc je lui ai apporté un crottin. Troisième. Donc il a pris les deux pierres, et il a jeté le crottin. Et il dit, cela est une saleté. rapporté par le Bukhari. Et dans le Koutni Ahmed, ils ont ajouté apporte-moi autre chose que le Raoufa. Donc là, le mot Rikson, le Shir, il dit que certains ulama l'ont interprété par Najasa, que c'est une impureté. Mais Ibn Athir, dans Nihaya, il dit que wa shabih al-ma'na bi raji'a. Wa raji'a, on va dire, c'est pareil, c'est l'excrément d'animal. Et le Hafiz dans le Fath, en parlant de Rix, il dit pareil. Raji'a, enfin, laissez Raji'a. Bi mad al-ya. Rixu et Raji'a. C'est-à-dire une chose qui était pure, qui était transmutée à l'état de d'impur. Et d'autres ont dit, comme le Khattabi, ils disent wal awla an yuqal rudda min halati at'am ila halati rawth. Le meilleur, c'est de dire, en fait, c'est qu'une chose qui est passée de l'état de nourriture à l'état de l'excrément. Mais Rauf, c'est plutôt celle des animaux. On ne dit pas Rauf pour une scène. Rauf, c'est pour les animaux. Après, Chéri dit Kulto. Et cela, yani, le fait que ce soit une najasa, ce n'est pas la cause de l'interdiction, de son utilisation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué qu'il s'agissait quoi du crottin. Mais qu'il a déjà précisé qu'on ne s'en sert pas. Car cela fait partie de Aïwa, des nourritures de djinn. Ou plutôt de leur monture. Et eux, les djinns, c'est les ossements. De ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé, bien entendu. Muslim, le muslim. Donc, et lui, il voit que parmi les choses qui démontrent que la raoufa, ce crotala n'est pas une najasa, c'est que le Mas'ud, le Narno, l'a touché directement. De sa main. Et le contact avec Najasa sans besoin n'est pas permis. Tu sais, il aurait pu prendre avec quelque chose, tu vois, mais il l'a pris directement. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris aussi par sa main. Tu vois, après il l'a jeté, bien entendu. Et dans une version, c'est venu Innaha Rishsun, avec un jim. Rishsun. C'est-à-dire c'est une saleté. Donc ça revient à ce sens-là. Donc après, Dimas Alatoun, Hel yujzi ou izestanja bin najasatin. Est-ce que son istinja, son nettoyage est valable s'il le fait avec une chose qui est impure? Donc certains comme Ahmed et Shafi'i disent que non. Et leur preuve, c'est le hadith d'Ibn Mas'ud. Car ils ont interprété Rauf, c'est ce crottin, comme étant de une najasa. Nous, on a vu que le vrai sens, c'est pas ça. Et Abu Hanifa voit que cela est valable. Car cela minimise de l'impureté de ton excrément à toi, lorsque tu as fait tes besoins à toi. Et Ishir dit que la parole de Abu Hanifa, là, c'est la parole qui est la plus juste, Inch'Allah, tout en sachant que cela est interdit, d'utiliser une najasa pour le faire. Mais la condition, c'est que cette najasa nettoie le lieu qui était souillé par tes excréments. Tamam? Et c'est ça le but à atteindre. Donc on peut dire que c'est pas valable. Si c'est parti, c'est fait, c'est accompli, tu vois. Donc il dit, et cela a lieu avec certaines najasa et pas d'autres. Il dit, à guise d'exemple, de la peau d'un animal qui n'a pas été tanné. La peau de chair d'un animal mort, meïta, qui n'a pas été tanné. C'est une najasa. Quelqu'un s'en sert pour s'essuyer, par exemple. C'est valable. Mais il a commis un péché. Il a commis un péché. D'avoir pris une najasa, de l'avoir touché directement, sans réel besoin, alors qu'à la base, le hadith, c'est de prendre des pierres, ou des choses qui sont pures, en tout cas. Donc, il dit, si quelqu'un prend, par exemple, une chose qui est impure, il se nettoie avec. Mais une chose, bien sûr, qui est impure, mais qui ne te souille pas, toi, comme on a dit l'exemple, un bout de peau, de chair morte. L'animal mort qui est mort sans avoir été égorgé au nom d'Allah. Ça, on a dit que son cadavre, c'est Meïta. Pas même? Donc, sa peau, pareil. Donc quelqu'un prend un bout de sa peau qui n'a pas été tanné, il fait istinja avec et qu'il a tout enlevé, yujza. Lakin wa afim, il a commis un péché. Tamam? Tayyib. ثم نكمل بهذا الحديث كلها حول معنى واحد ستبدا حديث ضمن شابتر عن ابي هريره الحديث السابع وتسعون وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث قال انهما ليطهران راوا ذلك اثنين والصحاح والحديث ضعيف سلو ابو هريره que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se nettoyer avec des ossements ou des crottins, c'est-à-dire car ces deux-là ne purifient pas. Ils ne purifient pas. Rapporté par Dar et Koutné, qu'il a authentifié, le hadith s'avère être faible. D'après le jugement de Shir ibn Hizam. Donc il dit, Mas'ala, iz istanja bil 'idami wa rawthi hal yujzu. Donc maintenant, c'est quoi la question? Si un musulman fait l'istinja avec des ossements ou des crottins, est-ce que cela est valable? Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ibn Qudama, il rapporte Ibn Qudama qui dit que cela n'est pas valable, n'est pas valide, comme le rapportent la plupart des gens de science. Et leur preuve, c'est ce hadith, là, cité ici. Car ils disent que, comme on dit la règle, « An-nahi yaqtadi al-fasad wa adam al-ijza » L'interdiction implique l'invalidité de l'action que tu as commise. Quand même, c'est la règle, on a déjà pris cette règle-là. Et là, ça vient comme dit tout à l'heure, Abu Hanifa et d'autres, parmi les gens de Malikiya, voient que cela est valable, si jamais le nettoyage, il est fait. Car on a dit, on répète ce qu'on a dit tout à l'heure, car l'istinja avec les ossements ou les crottins, la cause n'est pas leur impureté ou quoi, c'est que c'est des choses qui sont pour les djinns, la nourriture des djinns. Et ça, la cause. Donc, si à partir du moment où la najas a été enlevée, tu vois, le but, il l'a accompli. Quand même, c'est accompli. Donc là, la cause, elle est connue. C'est pas Amta Abudi Fakot. C'est pas une chose, comme on a dit, l'adoration connaît pas la cause. La cause, on la connaît. Le but, c'est d'enlever la najas, ça. De faire ça. Donc là, c'est la illa. Quand même, donc la illa, elle est connue. Et Hassan al-Maqsoud, la chose à rechercher et accomplie. Donc de là, ils disent que Yujde. Ou ça, c'est le calame également de Cheikh al-Islam Taymiyyah, dans l'Irtiyarati al-Fiqhiyya, page 9. Voilà. Donc ça, c'était autour du même Moudour, c'est pour ça qu'on a pris tous ces hadiths ensemble, ils sont courts et ils sont tous faibles. C'est pour ça que le Cheikh n'a pas mis trop de masses, c'est des hadiths qui sont faibles. Non, mais, comme on l'a dit, malgré le hadith faible, des fois, il est cité pour en tirer une masse à Allah. Deux mas'alas, 3, 4, 5, ainsi de suite. On comprend, est-ce qu'on peut le faire, ne pas le faire? Akada. Ma fumada. Subhanaka lumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.